y est mort. Ça parle à tort, mais moi j'adore, même quand ça devient hardcore. En vérité, je suis toujours hal, même si je t'ai trop fait du mal. J'ai repris la plume sale, on vient dégager les pédales. C'est la merde, mec, mon équipe n'avance pas. Alors je rame en solitaire pour faire avancer la barque. De nos jours, les gens porteraient plainte pour une poignée de main, pour une poignée de figues. On te descend tel un par un, c'est trop grave. Alors je gratte des putains de phrases qui éclatent dans ta face. Après ce son, y'aura de la casse. J'en ai gros sur la patate, recherche la victoire par KO. Si tu me cherches dans ma ville, retiens bien mon place et tes os. Viens encrasser les poumons de ton rap. Le mien est trop fumant, dans quelques temps tu tousseras. Et puisqu'il faut que ça finisse, j'écris la fin de ce couplet. Juste pour dire, des rappeurs vont dégager quand on beurra le coup près. S'en sort toujours indemne, j'écris des textes par centaines, j'écris des écrits sans thème. Toujours dans le rap, à côté rock, et pour que ça claque, rate les cordes de ta guitare un peu trop folk. Moi bientôt je m'arrache, mon pire ennemi c'est le temps. Parce que j'ai tardé à revenir, j'espère rester trop longtemps. Et si un jour tu veux me voir arrêter la musique, il faut que tu m'arraches les tripes, qu'on me canne à seul inspire, qu'on me cache tous les beats. J'ai encore des mots à écrire, mais la fin se profile. Il faut en finir, je reviendrai selon les humeurs de la vie. Moi j'ai perdu le contrôle, la musique me bousille. Et puis y'a rien qui me console, je partirai en exil. Ça y est, ça touche à sa fin, t'auras vu ma plume la plus sombre. Laissez-moi partir en couille, à chaque son moi son. Pareil que la folie matin, je parle à ma feuille chaque matin. Le rap c'est devenu de la merde, c'était la petite mise en point. Mais mon âme reste hantée, et bien sûr que je reviendrai. Mais pour l'instant qu'on me laisse reposer en paix.